Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Des machinistes aux costumières, les invisibles du théâtre. En 1835 paraît un petit dictionnaire des coulisses. Il est signé Jacques le Souffleur, un pseudo, qui explique le théâtre a eu ses historiens qui ont tracé la marche de l'art, raconté ses évolutions et décrit les péripéties de son développement. Il y a des biographies d'auteurs, d'artistes, mais il reste une lacune à remplir, une œuvre d'urgence pour le peuple artiste qui a sa langue spéciale riche de mots, abondante d'idiomes. Il faut un dictionnaire des coulisses. Pas d'inquiétude, les choses ont changé depuis 1835. Les coulisses ont leurs historiens, leurs historiennes. Ils sont avec nous dans le cours de l'histoire. Jacqueline Razgonikov, bonjour. Bonjour. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui cette armée qui est en action au moment d'une représentation théâtrale. Et une armée qui était beaucoup plus réduite que celle d'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous étonne, parce que à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et jusqu'au milieu du XIXe siècle, il y avait 12 machinistes, pas plus. Mais ils faisaient tout. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, il y en a 45 à la Comédie Française. Bon, je ne dis pas dans les autres théâtres, bien sûr, mais à la Comédie Française où il y a alternance et pas jamais de relâche, il y a 45 machinistes. Et dès lors que nous avons évoqué un nom, machiniste, un métier, eh bien, nous pouvons tirer le fil. Et là, nous avons un univers de métiers avec des spécialités qui s'ouvrent à nous. Ah oui, extraordinaire, parce qu'au départ, le garçon de théâtre, à l'époque de Molière, faisait tout. Aussi bien porter les hardes, comme il est écrit, que de fabriquer un morceau de décor. Mais toute la spécialisation va se faire pendant tout le courant du XVIIIe siècle et à la fin du XVIIIe siècle. Et avec les progrès de la scénographie, après avoir supprimé les spectateurs qui étaient sur scène et qui étaient un gros handicap pour la mise en scène, alors là, on va pouvoir se développer, les machinistes, les accessoiristes, et les mots vont naître avec les spécifications des métiers. Vous venez de le rappeler, c'est vrai que les spectateurs étaient sur la scène. On le retrouve dans Cyrano de Bergerac. Alors, c'est tardif, c'est la fin du 19e siècle, mais Edmond Rostand avait repris cet élément qui est très 17e siècle. Mais Molière s'en plaint, déjà. Il se plaint des spectateurs qui sont sur scène. Et Voltaire va réussir à les éjecter de la scène grâce à l'argent du duc de Lauragais. Une belle évolution que celle du théâtre, avec Jean-Claude Dion, bonjour. Bonjour. Là aussi, un spectacle incroyable. Si nous allons à une représentation théâtrale sur le boulevard du crime, nous sommes allés dans le premier tiers du 19e siècle, dans les années 1830 par exemple. Là aussi, il est difficile d'imaginer combien le spectacle est fou et délirant par les décors, par tout ce qui se passe sur scène. Alors, le 19e siècle voit le développement effectivement de l'industrie du spectacle, et je crois que ce terme industrie, même si on est plutôt dans une forme d'artisanat, il est quand même tout à fait justifié, ne serait-ce que par des rythmes de travail absolument intenses, avec un nombre de pièces, de création de pièces, et effectivement il faut toute une armée, on l'a dit, tout un peuple de travailleurs derrière pour permettre que le rideau se lève et que les spectateurs en aient pour leur argent. Dans l'économie du spectacle, Jean-Claude Dion, il y a aussi cette nécessité de changer sans cesse de pièce, parce que les gens qui sont là, le public captif a vu une fois, éventuellement deux fois, et puis après, très vite, pour que le commerce fonctionne, il faut proposer autre chose. Oui, alors en même temps, quand on avance dans le siècle, on voit apparaître de grandes séries de représentations, notamment à partir du Second Empire, parce que comme les moyens de transport se développent, le public local, je parle des théâtres de Paris, peut être remplacé par le public de province ou le public des étrangers. Et notamment pendant les expositions universelles, les gens viennent à Paris pour voir l'expo, mais pour ensuite aller le soir dans les théâtres. Et c'est à chaque fois, chaque année d'exposition universelle, un record de recettes pour les théâtres parisiens. Et oui, pour un directeur de théâtre, c'est intéressant d'avoir toujours la même pièce qui vit le plus longtemps possible. Exactement. Et en même temps, quand on est dans un système à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, où on a des troupes, où on a donc tout le matériel humain, à la fois technique et puis artistique, pour monter des pièces, et effectivement, on peut très vite changer sur l'affiche sans avoir à réinviter, à refaire une nouvelle distribution. Toute la machine théâtrale est à la main du directeur qui dirige ça comme un capitaine sur un navire, parce que je pense que la métaphore de la navigation, elle est beaucoup utilisée, et comme Jacqueline le sait mieux que moi, il y a des liens très nets entre tout le monde de la machinerie et le monde des marins. Jacqueline Razgonikov, des marins. Parce que les marins ont été les premiers machinistes des théâtres, étant donné qu'ils savaient se mouvoir en hauteur comme dans des gréements de navires, et la machinerie l'exigeait. En plus, ils savaient porter de lourdes charges, et c'est ce qui fait que le vocabulaire du théâtre est très influencé par le vocabulaire de la marine, y compris par les superstitions. On ne prononce pas le mot, je le mets entre guillemets, corde sur une scène, c'est guinde, c'est fil, et on guinde les décors, on les charge et on les appuie comme sur un bateau. Et puis, puisque nous évoquons tous ceux qui œuvrent en coulisses, le mieux est sans doute de leur laisser la parole. On est au service d'un spectacle et on sert un spectacle, oui. Oui, c'est vrai, oui. Il y a un tas de mots comme ça dans cette profession qui sont des mots qui la marquent depuis longtemps. C'est servir un spectacle, c'est les brigadiers, les morceaux de bois qu'on emploie, c'est la cour, c'est le jardin, c'est le lointain, c'est la face, c'est le trumeau, c'est les porteuses. On ne dit pas descendre ou monter, on dit charger et rappuyer. Il y a un tas de termes qui sont les termes professionnels auxquels on tient, parce que c'est ce qui fait un peu toute cette profession. Il y a un langage secret qui nous vient d'ailleurs en grande partie, et là aussi il faut remonter très loin dans le temps, qui nous revient sûrement des charpentiers de marine qui sont les premiers à avoir travailler dans le théâtre et avoir construit des théâtres, à tel titre que l'on trouve à peu près les mêmes termes sur un bateau et sur un théâtre, mais transformés. À part pour tribord et bâbord, on a la cour et le jardin. Pour la proue et la poupe, on a la face et le lointain. On a les cintres qui sont les unes. On a nos dessous qui sont les soutes d'un bateau. C'est un bateau qui a été coupé, rapporté sur les côtés. Et je crois qu'un théâtre dans son ensemble, ça s'appelle un vaisseau. C'est un vaisseau, oui, on dit bien un vaisseau. En 1979, la télévision française s'intéresse aux machinaux. Jacqueline Razgonikov, le fait qu'un vocabulaire soit spécifique montre bien qu'il y a une spécialisation, un savoir très particulier. C'est cette évolution qui est intéressante, mais vous nous avez bien dit que dans un premier temps, ce n'était pas le cas. Comment se construit tout doucement ce besoin d'avoir des métiers très précis ? Ben, au fur et à mesure qu'évolue la scénographie, car comme je vous l'ai dit, tant qu'il y avait les spectateurs sur scène, on ne pouvait jouer que dans un tout petit périmètre de jeu qui était à l'avant-scène, avec un décor de toile peinte qui était derrière. C'est tout. À partir du moment où les spectateurs sont bannis de la scène, on peut faire des perspectives obliques, on peut éclairer les décors par derrière, on peut jouer enfin dans le décor. Mais il faudra attendre assez longtemps pour jouer dans le décor. Les comédiens jouent encore assez longtemps devant le décor, donc à l'avant-scène, et il va falloir vraiment qu'ils s'habituent. Et il faut des gens comme Talma, par exemple, pour faire jouer les comédiens dans le décor. Le premier décor praticable, donc dans lequel les comédiens bougeaient ou arrivaient par un autre endroit que les côtés, ou le lointain, c'est un décor de La Belle Fermière, une pièce de la Révolution, où on avait construit un praticable qui faisait arriver dans le lointain les personnages d'un plateau. On appelait ça la montagne. Et oui, d'accord. Sous la Révolution, la montagne, c'est aussi un clin d'œil. Ça n'a rien à voir avec la montagne politique. Mais malgré tout, il y a de la politique dans cette histoire. Talma, cet acteur exceptionnel, nous conduit sous la Révolution et sous l'Empire, sous Napoléon, Jean-Claude Dion. C'est un regard porté par le pouvoir sur le théâtre qui vise surtout à contrôler ce qui se passe sur scène et dans la salle. Alors, de ce point de vue-là, Napoléon, finalement, n'est pas si exceptionnel, parce que tout le 19e siècle se méfie de la parole théâtrale. On a le sentiment qu'une parole qui est prononcée sur une scène de théâtre prend une valeur extraordinaire, et que donc ce qui peut être éventuellement accepté dans un livre ou dans un journal, une fois qu'il est paré de tout le prestige qu'entoure la représentation théâtrale, peut devenir très très angoissant. Et c'est pour ça qu'en fait la censure dramatique va rester passer jusqu'en 1906, alors que les Républicains ont fait dès 1880 la grande loi sur la presse. Donc il y a cette peur du théâtre, parce que le théâtre, c'est une forme d'éblouissement qui peut électriser, c'est vraiment la métaphore qu'on emploie au XIXe siècle, qui peut électriser un peuple de spectateurs dans lequel tous les régimes sont pas loin de voir des potentiels révoltés qui, en sortant du théâtre, vont monter des barricades et vont renverser le pouvoir. D'autant qu'un acteur essentiel de la représentation théâtrale est le public. Et le public lui-même est à l'image de la société. Oui, on sait que la salle à l'italienne, qui d'ailleurs est plutôt une salle à la française, mais on ne va pas rentrer dans des détails d'architecture théâtrale, c'est une sorte de photographie de la société où chacun est à sa place. Et effectivement, le public est partie prenante. Avec un public, il faut vraiment le redire pour nos auditeurs, qui ressemble beaucoup plus au public des stades de foot actuels que le public des salles passées de nos théâtres actuels. Je pense qu'on évoquait Talma. Si Talma jouait devant un public actuel, il aurait l'impression de jouer devant des morts vivants, parce qu'effectivement, ce public, il est complètement partie prenante du spectacle. Il apostrophe, il intervient. N'oublions pas qu'il faut attendre la fin du siècle pour que la lumière soit baissée dans la salle. Donc en fait, on est dans un lieu complètement illuminé. Et comme on le sait bien, les gens viennent pour se rencontrer, pour discuter, autant que pour voir ce qu'il y a sur scène. Donc une ambiance extrêmement chaude qui est très loin de celle de nos théâtres actuels. Jacqueline Razgonikov, c'est difficile d'être historienne du théâtre. Vous l'êtes. C'est difficile au sens où l'on touche à quelque chose qui tient du vivant, de l'air du temps de la salle et où l'on trouve ces petites indications. J'ai eu de la chance. J'ai travaillé pendant 30 ans dans les archives de la Comédie-Française, qui ont conservé depuis Molière pratiquement toutes sortes de documents. Et ma première tâche, quand je suis arrivée à la bibliothèque de la Comédie-Française, ça a été de classer les documents comptables du XVIIIe siècle. Inutile de vous dire ce qu'il y avait là-dedans. Toutes les factures, tous les petits gestes de la pratique du théâtre. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la pratique du théâtre. Et il y a aussi des registres, comme le registre, nous parlions de machiniste, il y a un registre très fameux qui est le registre du machiniste, qui a été tenu entre 1806 et 1849 par des machinistes successifs qui notaient jour après jour comment monter un décor. Et à cette époque-là, les décors, c'était du genre puzzle. Donc c'est très intéressant, Jean-Claude le connaît, ce registre du machiniste, et c'est un document exceptionnel que j'ai eu la chance de décrypter et de publier. Oui, Jean-Claude Dion, il faut savoir décrypter ces sources du théâtre au-delà, mais c'est comme une représentation théâtrale, hein. Il y a le texte qui est joué, qui est imprimé, ça c'est la façade, et puis il faut aller chercher derrière. Oui, mais finalement c'est le travail de l'historien en général, puisque les événements qui ont eu lieu sont, par définition, nous échappent et sont éphémères, et donc d'une certaine façon, l'événement théâtral est une sorte de super événement encore plus compliqué, mais c'est vrai qu'on a une multitude de sources, et on évoquait à l'instant les spectateurs, on a par exemple des journaux, les correspondances de gens qui vont au spectacle, et on y trouve parfois des éléments qu'on ne retrouverait pas dans les archives propres au théâtre. Donc, une fois de plus, en multipliant les sources, on arrive à trouver. Et puis, j'ajoute aussi une source très intéressante, parce que le théâtre fascine tellement qu'il est aussi un sujet pour tous les créateurs. Donc, on a à la fois des pièces qui racontent la vie théâtrale, parce que ça, le public adore découvrir les coulisses. On a des romans, et le regard d'un Balzac, d'un Zola sur le théâtre, ou des frères Goncourt, par exemple, est fascinant. On a aussi toute une iconographie de peinture, de gravure, y compris de gravures techniques dans des manuels, etc. Donc finalement, on a beaucoup de sources et on fait le travail classique de croisement des sources propres à l'historien. D'autant que le théâtre étant omniprésent, il est évident qu'il apparaît dans la littérature et notamment chez Jules Janin. Le poète appartient au machiniste et le comédien le plus célèbre dépend de cette volonté suprême. Allez donc vous enfermer dans un cachot où le machiniste aurait laissé le banc de gazon, sur lequel la jeune amoureuse a jeté son écharpe, ou bien, le moyen que j'aille rire, dans un boudoir orné de toutes sortes de pierres funèbres. Le machiniste est donc pour beaucoup dans le succès de l'œuvre nouvelle. Il tient à ses fils beaucoup plus que le comédien ou le poète ne tiennent à leurs ficelles. Le machiniste est ce gros homme que vous voyez, en manche de veste, calculant l'effet des lumières et des ombres, de l'éloignement et des lointains, le côté court, le côté jardin. Il ne procède que de lui-même et il répond des bévues de tous les siens. Bravo, c'est Jeanne Delacroix qui lisait cet extrait de l'histoire de la littérature dramatique de Jules Janin. Nous sommes en 1858. Jacqueline Razgonikoff, bien sûr, aujourd'hui quand nous étudions le théâtre, eh bien il y a l'étude du texte. Mais le texte, sans ce décor, sans le travail des machinistes, c'est autre chose. Ah, c'est sublime, mais c'est autre chose. C'est ce que disait Jouvet. Pour parler de théâtre, il faut commencer par la machinerie. Et Camus disait la même chose à peu près. Donc les auteurs, les metteurs en scène eux-mêmes reconnaissent l'importance de la machinerie. Alors bien entendu, ce que Jeannin raconte en disant que l'importance de la machinerie tient aussi au fait de ne pas faire de bévues. Et dans ce registre des machinistes dont je vous parlais, il y a des détails qui sont très croustillants, comme l'histoire du canapé du dernier acte d'Hernani, qu'il fallait bien visser à certains endroits pour que lorsque Hernani tombe, il ne se trouve pas en dehors du canapé, ni que le rideau ne lui tombe sur la figure. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le registre du machiniste. Avec Hernani, nous sommes en 1830, voilà. C'est Victor Hugo, c'est le drame romantique. Cette importance du décor et donc des machinistes, Jean-Claude Dion, c'est aussi ce monde fabuleux du théâtre, mais lié à une économie. Le drame romantique, c'est un mouvement de littérature, c'est aussi de la politique, mais ce n'est pas que ça. On pourrait presque dire que c'est une forme de commerce si on se place du point de vue du directeur du théâtre. Alors effectivement, un personnage essentiel dans toute cette histoire qu'on retrace, c'est le directeur. Dont d'ailleurs le relais en quelque sorte dans les coulisses, c'est le régisseur qui est le personnage qui a l'autorité totale sur toutes les équipes, aussi bien artistiques que techniques. Et le directeur, effectivement, c'est une sorte d'impresario qui doit avoir la bonne intuition pour aller chercher les auteurs, pour lancer les succès. Et d'ailleurs, dans tout ce personnel aussi, il y a tout ce qui concerne aussi la diffusion, la promotion des spectacles, les secrétaires généraux qui font le lien avec la presse, puisque bien sûr, le 19e siècle, c'est la presse et le théâtre qui se développent de façon parallèle et avec des échanges permanents. Donc, les directeurs sont un peu les rois de ces différents lieux. Et vous évoquiez à l'instant les romantiques. Le problème pour les auteurs, c'est d'avoir les directeurs dans les pattes, si je puis dire. Et donc, le rêve de tout auteur dramatique du 19e siècle, et certains l'ont fait, c'est de devenir soi-même directeur pour maîtriser complètement la chaîne. Sauf que la Société des auteurs, des compositeurs et auteurs dramatiques, la SACD, qui se crée en 1829, elle est contre ce type d'arrangement parce qu'elle sait bien qu'un directeur, un auteur qui prend la direction d'un théâtre, il va jouer avant tout son propre répertoire au détriment des autres. Donc il y a aussi vraiment toute une série de conflits d'intérêts donc qui doit vraiment avoir le pouvoir dans ces théâtres qui sont tellement sur le devant de la scène. Oui, c'était le cas d'Alexandre Dumas avec le théâtre historique. Alexandre Dumas a eu son propre théâtre en 1847. Évidemment, il y a fait des dépenses absolument fabuleuses et il a fait faillite. Mais d'ailleurs, Dumas était assez malin pour avoir mis un autre directeur pour pas être directement en première place. Il avait un homme de paille. Voilà. Bah oui, c'est parce que c'est un monde là aussi où nous nous amusons bien souvent de ce monde du théâtre sans vraiment le connaître parce qu'il est difficile d'accès dans son vécu quand, si nous évoquons Alexandre Dumas, les romans sont devenus une référence. Mais Alexandre Dumas, mais comme tous ses contemporains, sont des gens du théâtre au sens où ils sont intéressés par le théâtre pour écrire parfois, mais ne serait-ce que parce qu'ils sont spectateurs. Non, mais c'est au théâtre qu'on gagne de l'argent à l'époque. Ah oui, c'est ça effectivement. Nous, on a une vision de la littérature du 19e siècle où le roman est dominant, mais le roman a simplement pris petit à petit cette position centrale et au départ, et même encore à la fin, sauf quelques romanciers à très grand succès, c'est vraiment avec les droits d'auteur qu'on peut gagner. Et donc c'est pour ça que tous les grands romanciers du 19e siècle, y compris ceux qui étaient le moins doués pour le théâtre, ont cherché à faire des pièces type Flaubert par exemple. Et on a aussi, alors Dumas en est un magnifique exemple, mais j'oserais dire que Dumas n'est un grand romancier que parce qu'il a été d'abord un grand auteur dramatique. Et on a aussi un cas formidable qui est celui de Balzac, qui est à la fois, on l'oublie, Balzac est vraiment le romancier merveilleux qu'on connaît, et il est aussi effectivement un grand auteur dramatique. Et une pièce comme Le Faiseur est une merveille que j'incite tous nos auditeurs, parce qu'elle est remontée régulièrement, à aller voir. Et nous avons évoqué cette figure majeure du directeur. En voici un que vous connaissez bien. Il est directeur du théâtre dans Les Enfants du Paradis. Mais mon pauvre ami, vous êtes trompé de théâtre. Ici, on ne joue pas. On n'a pas le droit de jouer la comédie. Nous devons entrer en scène en marchant sur les mains. Oh, mais ça, je saurais le faire. Sur les mains. Et pourquoi? Parce qu'on nous brime. Et pourquoi? Parce qu'on nous craint. Ils savent que si on jouait la comédie ici, ils n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la porte. Les autres, les beaux, les grands, les nobles théâtres. Chez eux, le public s'ennuie à crever. Ils endorment leur public avec leurs pièces de musée, leurs tragédies antiquaires et leurs malheureuses momies en péplum. Ils s'égosillent sans bouger. Tandis qu'ici, au funambule, c'est vivant, ça saute, ça remue. La féerie, quoi. Apparition, disparition. Exactement comme dans la vie. Et puis, bang, la savate. Bang, le bâton. Comme dans la vie. Et quel public? Il est pauvre, bien sûr, mais il est en or, mon public. Tenez, regardez-les là-haut. Au paradis, mon paradis. Marcel Pérez joue le rôle de directeur de théâtre dans le film Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, scénario de Jacques Prévert en 1945. Jean-Claude Dion, nous parlons, depuis que nous échangeons dans cette émission, du théâtre comme d'un tout, d'un directeur de théâtre. Mais il faut bien le dire, au 19e siècle, être directeur de théâtre, ce n'est pas du tout le même métier selon les théâtres. Alors c'est vrai que ça change, et notamment peut-être le directeur par excellence, là où le métier est le plus dur, c'est les directeurs de théâtre lyrique, puisqu'effectivement l'opéra est la forme de spectacle la plus compliquée, et donc effectivement, mais d'ailleurs je pense que c'est encore vrai de nos jours, un personnage comme le directeur de l'opéra est vraiment une des premières figures de la vie culturelle de son temps, et donc notamment ces directeurs d'institutions lyriques effectivement ont à gérer des équipes encore plus vastes, encore plus larges, même si on l'oublie aussi, dans tous les théâtres on a un orchestre avec de la musique qui fait de la musique de scène, donc la musique est présente, hein, tous les acteurs du 19e siècle savent chanter, y compris les couplets de vaudeville, etc. Donc voilà. Et dans l'organisation même du monde du théâtre, il y a ce système des privilèges qui fait que le directeur n'a pas les mains libres quand il veut faire une représentation. Non, jusqu'en 1864, hein, ça a été instauré par Napoléon, et ça a été défait par Napoléon III. Au passage, on voit à quel point le deuxième Napoléon est souvent beaucoup plus intelligent que le premier. Petit moment de propagande pour le Second Empire, mais je sais, Xavier, vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. Et effectivement, donc, on a, du fait même de cette puissance du théâtre dont on a beaucoup parlé, la volonté de contrôle de la part de la censure qu'on a évoquée aussi, mais par ces fameux privilèges qui vont jusqu'à limiter pour certains théâtres le nombre de personnages sur scène. Alors naturellement, les gens de spectacle sont toujours plus inventifs que les bureaucrates qui veulent les encadrer. Et donc, dès qu'il y a une limitation, on trouve un moyen pour la contourner. Voilà, bah oui, c'est parce que c'est ce système-là qui nous intéresse aussi. C'est ce théâtre extrêmement vivant. Jacqueline Razgonikoff, il y a de ça dans ce théâtre-là. C'est qu'il y a ces métiers. C'est une histoire incarnée. C'est une histoire pleine de chair. Mais justement, ces métiers qui se diversifient au 19e siècle, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement d'abord la renaissance de ces mots de cour, jardin, face, lointain, cintre, et se métamorphose aussi dans les métiers. Nous avons les jardiniers, les courriers, les cintriers. En plus, il y a les accessoiristes qui sont devenus essentiel dans le théâtre du 19e siècle, car les décors sont pleins d'accessoires, on le reproche d'ailleurs parfois. Donc c'est cette diversification des tâches qui devient particulièrement intéressante. Nous avons aussi les soutiers, ceux qui sont dans les dessous. Et c'est une équipe, hein, tout le monde est nécessaire, il ne faut pas qu'il en manque un. Il ne faut pas qu'il en manque un. S'il en manque un, le spectacle ne peut pas marcher. Mais il y a un personnage exceptionnel dans cette histoire, il a déjà été cité, c'est le régisseur. Je voudrais te voir régisseur. Oh, Trianon régisseur, discutant des toilettes des actrices, les suppliant de ne pas mettre de bijoux quand elles jouent des rôles de paysannes, veillant à la tranquillité des coulisses, empêchant les entreteneurs d'entrer. Mon pauvre garçon, je ne te donnerai pas 10 jours de mon métier pour devenir fou. Marion Malenfant qui lisait cet extrait des Contes d'automne de Champfleury en 1854. Alors le régisseur est l'ombre du directeur, Jacqueline Razgonikoff, mais que fait-il en fait? Il fait tout. Alors, à la Comédie Française, c'est un peu spécial parce qu'on a un directeur de scène sous la direction du baron Taylor qui est Albertin, Hyacinthe Albertin, qui est un personnage tout à fait exceptionnel parce que d'abord, il a laissé une très abondante correspondance avec son directeur, donc son administrateur, qui ne portait pas encore ce titre-là, mais donc où il parle de tous les petits inconvénients, les incidents, enfin parce que Taylor s'absentait beaucoup. Et donc Albertin, qui était directeur de la scène, se plaint souvent des incidents qui ont lieu lors des répétitions, des disputes entre comédiens, des manquements de certains machinistes ou de certains membres du personnel. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Et par ailleurs, alors il a été, lui a succédé Salomé, qui était lui directeur de scène à l'opéra. Donc il y a une espèce aussi d'interpénétration entre ces grandes institutions qui sont l'opéra, l'opéra comique, les Italiens et la Comédie Française, parce que ce sont des théâtres qui sont un peu en dehors du lot des théâtres de boulevard ou des petits théâtres, disons. C'est la question que je voulais vous poser. Effectivement, nous avons parlé de ces différents métiers avec de grandes spécialisations, d'accord. Mais y a-t-il une évolution possible? Est-ce que l'on passe de l'un à l'autre? Alors oui, quand même, parce que, par exemple, Eugène Bertrand, le directeur de l'opéra à la fin du 19e siècle, a été d'abord le directeur des variétés. Et puis, on a aussi des gens qui ont à la fois dirigé la Comédie Française et l'opéra comique, comme Émile Perrin, qui a fait une carrière absolument exceptionnelle. Mais je reviens sur l'extrait qu'on a entendu, l'extrait sonore. On a vu que le régisseur veillait à... L'une de ses tâches, c'était de veiller à ne pas faire entrer n'importe qui dans les coulisses, parce que finalement, c'est des coulisses théâtrales qu'on parle depuis le début de cette émission, et il y a vraiment au 19e siècle un imaginaire des coulisses très puissant, c'est-à-dire que tout le monde a envie de passer de l'autre côté du miroir, de venir voir ce que c'est, et généralement, c'est toujours sur le mode déceptif, parce qu'en fait, dans les théâtres, il y a une différence profonde entre les espaces pour le public qui sont absolument décorés, magnifiques, et puis ces espaces techniques de travail, et d'un travail souvent très dur, hein, puisqu'on est quand même au 19e siècle, donc on exploite les gens, qui sont souvent des lieux un peu lépreux, un peu terribles, d'ailleurs des lieux très dangereux, puisqu'on évoquait les machinistes, il y a beaucoup d'accidents, il y a bien sûr le feu toujours possible, etc. Et donc ce contraste entre le théâtre magnifique pour les spectateurs, et puis ce lieu, cette espèce de fabrique souterraine presque de fabrication du spectacle, ça a beaucoup été exploité par les romanciers. Et je voudrais juste faire une petite citation qui fait une dizaine de lignes, et je la prends dans Illusion perdue, parce que aussi c'est une œuvre qui est revenue vraiment dans l'actualité avec le film de Xavier Jeannely, et puis aussi la très belle mise en scène de Pauline Bell, que je recommande à nos auditeurs. Et donc Lucien de Rubempré, quand il découvre Paris, il découvre aussi le monde des spectacles, et il va dans les coulisses. Donc voilà ma petite citation, mais je rassure tout le monde, c'est la seule que je ferai ce matin, donc ne vous inquiétez pas. Sur un signe de Lousteau, le portier de l'orchestre prit une petite clé et ouvrit une porte perdue dans un gros mur. Lucien suivit son ami et passa soudain du corridor illuminé au trou noir qui, dans presque tous les théâtres, sert de communication entre la salle et les coulisses. Puis, en montant quelques marches humides, le poète de province aborda la coulisse où l'attendait le spectacle le plus étrange. L'étroitesse des portants, la hauteur du théâtre, les échelles à quinquets, les décorations, si horribles vues de près, les acteurs plâtrés, leurs costumes si bizarres et faits d'étoffes si grossières, les garçons à veste huileuse, les cordes qui pendent, le régisseur qui se promène son chapeau sur la tête, les comparses assis, les toiles de fond suspendues, les pompiers, cet ensemble de choses bouffonnes, tristes, sales, affreuses, éclatantes, ressemblait si peu à ce que Lucien avait vu de sa place au théâtre que son étonnement fut sans borne. Fin de citation. Et donc là, on voit tout ce que le génie d'un écrivain peut apporter à l'historien des spectacles. Merci Jean-Claude Dion, merci Balzac, les Illusions perdues, avec cette déception mais qui contraste avec le fantasme des coulisses, et nous le voyons bien dans les représentations. Les peintres, alors sans citer uniquement Degas, mais il y en a tant d'autres, s'amusent à chercher les coulisses. Il y a un fantasme des coulisses énorme. forme. Bien sûr. Déjà, bon, je ne parle pas de l'opéra où ces messieurs, les vieux messieurs, allaient dans les coulisses pour lorgner les petites danseuses, parce qu'il y a de ça chez Degas. Mais il y a aussi cette espèce de fantasme. On s'imagine que ce qu'on a vu de face est quelque chose de merveilleux, alors que c'est vrai, des toiles peintes, quand on les regarde de près, ça n'a rien à voir avec un tableau, n'est-ce pas ? Même quand c'est un grand peintre qui a fait le décor. Et les costumes sont en effet souvent faits de tissus de bon marché. Oui, c'est ça, hein, parce que c'est l'illusion aussi, ce monde, celui du théâtre. Oui, en fait, ce monde, il a besoin d'être vu de loin. Il est conçu pour être vu de loin. Et quand on le voit de près, les choses sont souvent assez décevantes. Mais dans cet imaginaire et ce fantasme des coulisses, Jacqueline vient de le dire, il y a beaucoup aussi, enfin, on peut beaucoup le décliner sous la forme d'une histoire genrée, puisque ce qui fascine, c'est aussi d'aller voir les actrices, puisque l'actrice a un statut particulier au 19e siècle, de près. Et donc, dans les coulisses, on a les loges d'artistes, qui sont des espèces de petits salons, où notamment, alors, les loges des figurantes, et c'est, j'allais dire presque de l'abattage, enfin, c'est terrible, mais pour ce qui est des loges de grandes vedettes, ça devient des petits salons où, à l'entracte, défilent les spectateurs privilégiés. Et on sait bien que pendant l'exposition universelle de 1867, dans la loge d'Hortense Schneider, pendant la Grande-Duchesse de Gerolstein d'Offenbach, fallait bien que je parle d'Offenbach à un moment donné, tous les souverains sont venus et on avait surnommé sa loge le Passage des Princes. Voilà, il nous fallait Offenbach, vous êtes dans notre émission Jean-Claude Dion. Oui, Offenbach ne pouvait être que là. Jean-Claude Dion, Offenbach est avec nous. Vous êtes le biographe d'Offenbach et vous êtes aussi directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Jean-Claude Dion. C'est pas contradictoire, exactement. En quoi le moment Offenbach est important pour l'univers du théâtre? On sait par exemple, nous l'avons dit tout à l'heure, que les représentations se succédaient rapidement, mais avec Offenbach, on va avoir mais combien de représentations de la même pièce, je le dis ainsi. C'est énorme avec Offenbach. Il y a une évolution majeure. Oui. Puisque le premier grand succès de l'histoire de l'opérette, de l'opéra bouffe, c'est Orphée aux Enfers, qui va se jouer 227 fois d'affilée. Donc là, des chiffres qu'on n'avait jamais pu avoir jusque-là. Mais Offenbach, on l'oublie, a été un grand directeur de théâtre. À la fois, il a créé son théâtre qu'on peut toujours fréquenter, qui est le théâtre des Bouffes parisiens. Et puis, il a repris aussi, au début de la Troisième République, un autre théâtre, le théâtre de la Gaîté, dont il ne reste que la façade et le foyer, le reste a été transformé. Et là, il a été un extraordinaire metteur en scène, puisqu'il a développé, et je pense que c'est un élément dont on parle finalement depuis le début de notre émission, il a développé le grand spectacle avec des moyens extraordinaires. Il a repris ses œuvres pour en donner des versions complètement agrandies, fastueuses. Il a notamment, en 1874, fait une version d'Orphée aux Enfers absolument merveilleuse, qui est peut-être un des plus beaux spectacles et un des plus compliqués en termes de mise en scène du 19e siècle. Spectacle qui d'ailleurs a eu, on ne l'imaginerait pas, comme grand admirateur Stéphane Mallarmé, qui était fasciné par cet Orphée de la Gaîté. Alors, à chaque fois, ça s'est terminé par des faillites. Et Offenbach a trouvé des gens qui étaient assez naïfs pour prendre sa succession et récupérer ses dettes, parce qu'effectivement, il était aussi malin que Dumas qu'on évoquait tout à l'heure. Mais effectivement, notamment ce moment de la Gaîté 73-75, dans l'histoire de la mise en scène, c'est des moments tout à fait importants. Donc en fait, à la fois les théâtres officiels qui ont des moyens arrivent à faire de grandes choses, mais aussi les théâtres privés, et on a cette interaction en permanence entre les deux sphères. Oui, par exemple, la Comédie française sous le Second Empire, c'est le règne des grands salons, des salons merveilleux, les actrices habillées par Wörth, par les grands couturiers, parce qu'il faut bien penser aussi que les costumes n'étaient pas faits dans les ateliers à cette époque-là. C'était les comédiens et les comédiennes qui payaient leurs costumes. Et là, il y a une débauche de costumes, enfin de robes surtout, chez les femmes, au point qu'il va falloir qu'un administrateur décide que dorénavant, les robes seront payées par la Comédie-Française et donc on modérera les frais. Oui, parce qu'il est question d'argent, d'économie. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, les actrices aiment beaucoup venir sur scène avec tous leurs bijoux, y compris lorsque vous jouez une pauvre esclave dans une prison. Vous arrivez avec 500 000 francs de bijoux sur vous, ce qui, effectivement, en termes de vraisemblance historique, est parfois un peu léger. Mais effectivement, il y a cette... Et d'ailleurs, toute l'histoire de la mise en scène va consistait à amener une cohérence entre tous les éléments du spectacle, ce qui n'était pas gagné du tout. Mademoiselle Georges jouait avec tous ses diamants. Eh oui, elle fut la maîtresse de Napoléon, dit-on. Alors dès lors, mais elle fut maîtresse de Napoléon, Mademoiselle Georges, mais aussi la compagne d'un directeur de théâtre. Ce monde-là est extrêmement poreux. Jean-Charles Harel, directeur Porte-Saint-Martin, oui. Enfin Odéon puis Porte-Saint-Martin. Oui, entre la fin de la Restauration et le début de la Marche de Juillet, tout à fait. Et cet univers est fascinant, mais nous le sentons bien, parce que cette volonté, par exemple, de se montrer avec tous ces diamants, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité économique de certains théâtres. Et dans les petites mains que nous évoquons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, il y a aussi tous ces gens de la finance à l'intérieur du théâtre. Faut les évoquer aussi. Il y a des comptables, il en faut, c'est très important. Ce sont les registres, Jacqueline Razgonikov, que vous avez pu étudier, que vous avez conservé. C'est fascinant, fascinant. Les factures, bon, malheureusement, à partir du milieu du 19e siècle, on ne les a plus, parce que ça partait aux archives qui ont brûlé, malheureusement, lors de la Commune. Mais lorsqu'on lit les factures, on se rend compte, par exemple, les frais pour la figuration. Non seulement payer les figurants, mais aussi payer leurs costumes. Puisque les costumes étaient faits en partie dans les magasins d'habits de la Comédie française et en partie récupérés ailleurs, même parfois chez les fripiers. Ouais. Et puis tout coûte cher, on le sait bien, tout coûte cher. Même le décor coûte cher. Ah, ça va. Ah, ça y est, j'ai fait. Hein. Ah. La liste des meubles, des costumes, des accessoires, tout est arrivé. Tout arrive. On pourra les distribuer dans tous les services. Entendu, d'accord. Il n'y a qu'une chose, c'est les décors. Les décors et les décors. Une nouvelle de Drogresse. Il faut relancer Droguet, non, il n'y a pas appelé. Non, je vais essayer de l'appeler parce que ça presse. Ça sonne. Allô, Presse. Jean-Claude, oui. Dis-moi, je voudrais savoir où tu en es pour les décors. Oh ben écoute, pour le 26, ça sera prêt tout ça, le 27. Fais presser ton équipe. Bon oui, mais enfin tout le monde travaille, ça marche. Allez, merci, au revoir Jean-Claude. Adieu. Voilà, au revoir Jean-Claude Ménon, bonjour Jean-Claude Dion. C'est en 1974, puis dans les actualités pyrénéennes, Capitole, à Toulouse, l'évocation des décors avec une surenchère, aussi entre les directeurs, entre les théâtres. Ah oui, parce que donc... Il y a un directeur de théâtre de la fin du 18e, Nicolet, qui avait pris comme devise de plus en plus fort. Mais on peut dire, en fait, c'est tout le monde du spectacle du 19e siècle qui a repris cette devise. Il faut effectivement arriver à faire mieux que les précédents et à faire plus riche. Et notamment, donc, on parlait tout à l'heure d'industrie du spectacle. Le terme industrie renvoie aussi au fait qu'un bon directeur, c'est quelqu'un qui doit mobiliser beaucoup d'argent, créer des sociétés en commandite, avoir derrière lui de solides arrières en termes de capitaux, y compris d'ailleurs pour prendre la direction d'un théâtre officiel. Hein, l'État apporte de l'argent, mais il veut aussi avoir des gens qui sont solvables face à lui. Donc cet élément de financier est absolument fondamental. Mais dans cette vaste panorama des métiers, moi j'aimerais aussi qu'on en cite deux autres qu'on n'a pas encore cités. D'une part le souffleur, qui est quand même un personnage formidable aussi, et qui est d'ailleurs un peu le souffre-douleur dans beaucoup de troupes, parce qu'il joue un rôle essentiel du fait de cette très grand nombre de pièces qui sont jouées. Les acteurs connaissent leur rôle, et c'est notamment valable ça en province, mais ils les connaissent pas complètement, donc le souffleur est là comme une sorte de prompteur qui les aide. Et puis d'autre part, les pompiers, qui sont des personnages essentiels du monde des coulisses, puisque les théâtres malheureusement brûlent beaucoup au 19e siècle, et je renvoie à la belle thèse de Jacques Bury sur la lutte contre l'incendie au 19e siècle, soutenue il y a peu, où il montre bien qu'en fait, c'est dans les théâtres, comme les théâtres brûlaient beaucoup, qu'on a inventé un grand nombre de dispositifs de lutte contre l'incendie, donc le pompier de service qui est là dans les coulisses, alors peut-être plutôt à lutiner les figurantes qu'à vraiment faire son travail, enfin je dis ça, je parle des pompiers du 19e siècle, c'est un personnage aussi tout à fait important. Nous avons les pompiers, mais pas seulement. Jean-Claude Dion, vous nous avez expliqué que jusqu'en 1906, c'est si tard, il y a une censure dramatique, c'est-à-dire que le texte de la pièce est contrôlé avant d'être présenté, mais il y a bien quelqu'un qui va vérifier si tout cela est respecté. Alors en fait, le texte est contrôlé avant, puisqu'en fait, et d'ailleurs la censure ne s'intéresse qu'au texte qui va être parlé, donc on peut publier une pièce sans problème, ça pose aucun souci, mais par contre, si elle doit être jouée sur une scène, c'est d'ailleurs le directeur qui la propose et non pas l'auteur, et donc les censeurs imposent des modifications, reviennent à la répétition générale, on vérifie tout, et après, normalement, il y a le commissaire qui est dans la salle et qui vérifie, mais en fait, le commissaire, il a plusieurs théâtres à s'occuper. Dans sa journée, je pense que c'est le moment un peu agréable de venir au théâtre. Et donc, lui aussi, il est peut-être plus souvent, enfin, là aussi, je parle des commissaires du 19e siècle, au café du théâtre en train de discuter, etc., plutôt que de contrôler. Et je dis ça parce qu'on a des lettres de spectateurs qui disent, mais on s'est permis de changer telle réplique que faisait le commissaire, etc. Donc, le contrôle, en fait, c'est ça qui est formidable aussi. Le théâtre, une fois que le spectacle commence, c'est les gens qui sont sur scène qui ont la pleine maîtrise. Et donc, il y a mille et un moyens par des mimiques, par des jeux de scène, etc., de contrôler, même si on vous a fait dire un texte qui est l'inverse de ce que vous vouliez dire, vous pouvez très bien, par votre jeu, redire le texte initial. Ça, c'est la liberté géniale du monde du théâtre. Nous avons beaucoup évoqué Paris, mais Paris est le modèle du monde du spectacle, reproduit partout en France, mais ailleurs, même en Europe et partout dans le monde. Jean-Claude Dion, comment ça se passe dans les grandes villes de province, ces grandes villes qui ont toutes besoin d'un théâtre? Parce qu'il y a des théâtres construits partout. Ah oui, il y a un nombre de théâtres absolument incroyable et on parlait tout à l'heure du système du privilège en montrant un peu son côté obsolète parce que dès qu'il a été instauré sous le Premier Empire, il était déjà obsolète. Mais pour la vie provinciale, il a joué un rôle important parce que le pouvoir contrôlait la circulation des troupes par le biais des préfets, des sous-préfets. La France était divisée en arrondissements théâtraux. Enfin, voilà, à nouveau l'administration dans toute sa gloire qu'on connaît bien, mais notamment ça obligeait les directeurs de troupes à jouer parfois dans des petites villes qui n'étaient pas forcément rentables. Et donc on a déjà, même si bien sûr il faudra attendre Villars pour que la formule soit formulée, déjà la notion d'un théâtre service public qui doit irriguer l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, les cahiers de régie, les qui étaient tenus par les régisseurs, les cahiers de régie qui étaient faits par les régisseurs lors des répétitions et lors de la dernière représentation circulaient dans les provinces. On reprenait un cahier de régie, disons de la comédie française ou de l'opéra ou de l'opéra comique, et on s'en servait pour jouer dans un théâtre de province. Oui, parce qu'il y a vraiment cette circulation qui est fascinante, des textes, bien sûr, des métiers aussi. Et les comédiens. Les comédiens, voilà. Circulaient énormément. Et un comédien, donc, quand il est important, il négocie, Jacqueline le sait bien, un maximum de congés, non pas pour aller se reposer au bord de la mer, mais pour faire un maximum de tournées en France et à l'étranger et gagner un maximum d'argent. Dès le 18e siècle, hein, ça. Dès le 18e siècle, faire des tournées en France et pourquoi pas dans les Vosges. Aux confins de l'Alsace et de la Lorraine, niché dans un cirque naturel des montagnes vosgiennes, un petit village, Abussan, c'est son nom, se dresse en effet depuis 66 ans le plus ancien théâtre populaire de France. Son créateur, Maurice Potcher, y naquit en 1867 et y mourut au printemps de l'an passé à l'âge de 92 ans. C'est ce théâtre de Bussan, créé en 1895 par Maurice Potcher, qui est évoqué dans Dimanche en France en 1961. Jean-Claude Dion, cette vitalité théâtrale, dramatique, ne se réduit pas au boulevard du crime à Paris. C'est quelque chose qui est observé partout. Tout le monde parle de théâtre et, nous le voyons à Bussan, il y a des propositions innovantes. Oui, avec en fait l'idée à la fin du 19e siècle que le théâtre commercial d'une certaine façon a tout envahi, tout rendu stéréotypé, sans intérêt, et que d'une certaine façon, c'est l'apparition du théâtre d'avant-garde. Ce théâtre d'avant-garde, finalement, il faut aller en province, dans des lieux encore vierges, en quelque sorte, pour pouvoir le faire renaître. Et donc, c'est toute la question de la démocratisation, de la décentralisation théâtrale, qui sont des termes qui existent déjà au 19e siècle. Oui, et avec les troupes allemandes, comme celle de Max Reinhardt, ou bien il y a plusieurs façons de renouveler la mise en scène. Et les Français s'en occupent. Et Antoine, par exemple, évidemment, est l'exemple même de la rénovation de la mise en scène. Je ne dirais pas de l'invention, parce que la mise en scène existe avant Antoine. J'y tiens beaucoup, parce que des gens comme Dumas, Hugo, Vigny étaient d'excellents metteurs en scène, et Beaumarchais aussi avant eux. Donc Antoine renouvelle la mise en scène en essayant justement d'aller vers un plus grand réalisme et une plus grande proximité du spectateur. Et est-ce que cela change pour les métiers en coulisses, tous ces métiers que nous évoquons ? Alors en fait, ce qui change un peu, c'est que ces théâtres d'avant-garde, ils se font sans argent, dans des lieux de fortune. Soit on arrive à louer difficilement une salle qui existe déjà, soit on s'installe dans des lieux, pensant aux vieux Colombiers, qui sont pas des lieux théâtraux. Et donc, c'est souvent aussi les contraintes matérielles qui vont faire qu'on va faire des spectacles avec peu de moyens. Et donc là, il y a une espèce de combinaison toujours un peu délicate entre les principes esthétiques et puis qu'est-ce qu'on est capable de faire. Oui, Antoine utilise la salle à manger de sa mère dans son décor. Ah oui, c'est ça, c'est tout simplement ça. Voilà, c'est ce monde qui est fascinant en fait, mais quand il est vu par les coulisses. France Culture. Mesdames, messieurs, le cours de l'histoire. La représentation commencera. Xavier Mauduit. Dans 5 minutes. Ben non, elle va plutôt terminer dans 5 minutes. Nous arrivons au bout de l'émission. Jacqueline Razgonikoff, Le Paris de Molière, votre ouvrage, ou encore votre biographie de François-René Mollet. C'est intéressant de voir, par exemple, François-René Mollet. C'est un très très grand comédien du XVIIIe siècle, qui était le favori de ces dames. Il était très très beau, très élégant. Il jouait les petits maîtres, mais il jouait aussi Voltaire. Il était ami de Diderot et de Greuze, ce qui vous donne une idée de ce qu'il pouvait jouer aussi, c'est-à-dire les premiers drames. Et il a traversé toute l'histoire du XVIIIe siècle, toute l'histoire. Histoire avec un grand H et histoire de la comédie française. Aurait-il reconnu le théâtre au XIXe siècle s'il avait pu être encore en vie ? Je ne crois pas. Il a joué dans des conditions absolument épouvantables. Parfois, on n'arrivait pas à la fin d'une pièce. Si le public ne voulait pas qu'on finisse une pièce, on ne la finissait pas. Et le comédien devait dire « Vous voulez qu'on continue ?» Et on lui disait « Non, non, non !» et c'était fini. Jean-Claude Dion, dans ce monde du théâtre, il y a tout ce que nous évoquons et puis il y a la recherche qui est d'une vivacité qui, moi, m'impressionne sans cesse. Merci pour ce sentiment. Moi, je termine en évoquant deux éléments. Pour compléter tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je renvoie à un numéro de la revue d'histoire du théâtre qui s'appelle L'Histoire de travail, qui date de 2020, que j'ai co-dirigé avec Martial Poisson et Léonore Delaunay, où a participé Jacqueline et où on trouvera sur tous ces métiers beaucoup d'éléments. Et puis, pour prolonger là aussi de façon concrète, j'invite nos auditeurs à profiter d'une opération qui s'appelle Tous à l'Opéra, c'est la 15e année, c'est le 6, 7 et 8 mai 2022, et les maisons d'opéra s'ouvrent aux visiteurs et ouvrent leurs coulisses, donc je crois que c'est l'occasion parfaite de faire des travaux pratiques après cette matinée passée ensemble. Jacqueline Razgonikoff, vous pensez qu'on comprend mieux l'opéra ou même le théâtre dès que l'on connaît un tout petit peu les coulisses, comment ça fonctionne? Ah oui, je pense que c'est très intéressant. Je reviens à cette citation de Jouvet. Pour parler de théâtre, il faut commencer par la machinerie. Il faut commencer par la machinerie. Et vraiment, pour finir cette émission, il y a toujours cette réflexion sur le aujourd'hui. Parce que, est-ce que ce monde a changé ? Nous savons qu'il y a aujourd'hui la mécanisation, mais elle existait déjà. La mécanisation, le côté mécanique, il y a de l'amélioration. Aujourd'hui, il y a du numérique. Est-ce que vous pensez que ce monde a changé ou que ces longues traditions sont restées ? Jacqueline, tu pourrais peut-être plutôt... Pour moi, les traditions sont restées parce qu'à la Comédie Française, c'est un théâtre de tradition. Et vous parliez de la mécanisation de la machinerie. Théophile Gautier, déjà au 19e siècle, disait « Ces machinistes n'ont plus besoin de porter tous ces lourds décors. Il suffirait qu'ils aient un clavier et de pousser sur des boutons. » C'est extraordinaire de vue. Je dirais, comme vraiment tout dernier mot, que la fascination pour les coulisses dont on parlait, elle existe toujours. Et traverser le miroir, c'est encore une expérience extraordinaire. Si vous n'êtes jamais allé dans les coulisses d'un théâtre, faites-le une fois, parce que de plus en plus on peut les visiter. Ça permet de comprendre le spectacle autrement. Eh bien, merci vivement à tous les deux, Jean-Claude Dion, Jacqueline Razgonikoff, de nous avoir tendu la main pour nous aider à traverser ce miroir et explorer les coulisses du théâtre. Merci beaucoup. Il est l'heure maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Croyez-vous qu'il existe 128 nuances de blanc ? l'écho médiatique que rencontrent aujourd'hui les polémistes qui se présentent comme des intellectuels ou la rapidité avec laquelle se diffusent les fake news sur les réseaux sociaux alimente un scepticisme compréhensible sur le rôle que peuvent jouer la raison et la connaissance dans la lutte contre les préjugés. Pour vous convaincre que cela n'a rien de nouveau, j'ai choisi un exemple qui nous ramène à la fin du XVIIIe siècle, au moment même où la philosophie des Lumières faisait triompher le culte de la raison. Si vous consultez sa notice sur Wikipédia, vous verrez que l'avocat Médéric Moreau de Saint-Méry est présenté comme un érudit et même comme un historien célèbre pour sa contribution à l'histoire de Saint-Domingue. Ce colon, né à la Martinique en 1750, est mort à Paris en 1819. Lui-même propriétaire d'esclaves, il s'engagea aux côtés des révolutionnaires en 1789 et fut élu député de la Martinique. Très lié au milieu des grands planteurs esclavagistes, il s'engagea fortement en faveur du décret voté le 13 mai 1791, validant officiellement la pratique de l'esclavage dans les colonies françaises. Le cas de Saint-Méry est intéressant, car il montre comment des hommes ayant accumulé un grand nombre de connaissances dans des domaines divers peuvent les utiliser pour défendre leurs intérêts et leur identité personnelle en développant des raisonnements sophistiqués qui impressionnaient le public de leur époque, bien qu'ils nous paraissent complètement stupides aujourd'hui. Moreau de Saint-Méry a mobilisé une immense énergie en convoquant à la fois l'histoire, le droit, l'anthropologie et les mathématiques pour prouver que la caste des colons blancs esclavagistes constituait une aristocratie de l'épiderme, ce qui justifiait l'esclavage des Noirs. Dans son ouvrage intitulé « Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'île Saint-Domingue », Saint-Méry développe toute une théorie afin de démontrer scientifiquement la différence naturelle entre les races. Il s'appuie pour cela sur ses observations personnelles, mais aussi sur la tradition orale et sur des documents écrits, tout en se livrant à des calculs arithmétiques abracadabrantesques. Tout son raisonnement part du principe qu'un être humain forme un tout composé de 128 parties, blanches chez les blancs et noires chez les noirs. Il existe donc, selon lui, 128 combinaisons possibles de métissage noir-blanc, ce qui l'amène à construire 9 catégories d'individus définies par leur proportion de sang noir. Le sacatra, le griffe, le marabout, le mulâtre, le carteron, le métis, le mamelouk, le carteronné, le sang mêlé. Tout cela pour conclure que finalement, la hiérarchie raciale justifie la hiérarchie sociale, plaçant les blancs tout en haut et les noirs tout en bas. L'idée que ce genre de discrimination était contraire aux droits humains n'a sans doute jamais effleuré le cerveau fertile de Saint-Méry, puisqu'il avait adopté comme devise « Il est toujours l'heure de faire le bien », une pensée qu'il avait même fait graver sur ses montres. Attaqué par les fédérés de Marseille, il dut se réfugier aux États-Unis avec sa famille avant de revenir en France lorsque le Parti de l'Ordre eut mis fin à la Révolution. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Diudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Cette émission ainsi que les précédentes sont évidemment à écouter, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.